19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Donc bienvenue dans ce 760e numéro d'Electric Shock et premier numéro du mois de juillet. Ben, vous avez dû constater que la température a un petit peu baissé. Donc comptez sur moi pour la faire réchauffer avec 2 heures de métal en fusion comme toutes les semaines. Ce soir, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Eh bien, des nouveautés qui seront au nombre de 3. Et aussi un petit survol de ce qu'il y a eu ces dernières semaines. Et puis, je vous ai ressorti aussi quelques petites vieilleries, histoire de se plonger dans la boîte à souvenirs. Ça vous va comme programme? Bah, je pense que oui. Donc, vous êtes bien installé chez vous, confortablement, avec tout ce qu'il vous faut. Eh bien, on va commencer très rock'n'roll avec le live posthume de Motorhead, live at Montreux Jazz Festival 2007. Et oui, Montreux Festival Jazz, il y a longtemps qu'il n'y a pas plus que du jazz, il y a du rock, des groupes comme Deep Purple, déjà depuis très longtemps ont joué, Santana et j'en passais les meilleurs, la preuve, même Motorhead y a fait escale pendant la tournée Kiss of Death et on a profité donc pour interpréter une setlist un petit peu plus longue que d'habitude. Tout d'abord, un petit extrait de cet album Kiss of Death en live, One Night Stand, pour commencer très rock'n'roll. Most unpopular album ever. It's called Another Perfect Day. No, it's called Bobby. It's called Another Perfect Day. Jesus. Didn't you do the homework? This is called I Got Mine. indémodable, c'est clair. Bah, de toute façon, j'ai jamais été à la mode. Motorhead avait l'instant avec I Got Mind, un morceau à l'origine qui figurait sur le décrié Another Perfect Day, même si moi j'ai jamais compris vraiment pourquoi. Et juste avant One Night Stand, qui lui dans sa version studio figurait sur l'album Kiss of Death, et tous deux étaient extraits donc du live at Montreux Jazz Festival 2017, qui est sorti mi-juin, donc un live posthume, encore un de plus, mais c'est toujours bon à entendre. Eh bah, ben tiens, on va se faire la première nouveauté de la soirée. Avec le groupe Corvius. Alors Corvius, c'est un groupe qui nous vient de la région parisienne, qui existe depuis 2018 et qui viennent de sortir seulement maintenant leur premier album en début d'année, qui s'appelle Signals. Alors c'est du métal symphonique, très inspiré par Metallica, Apocalyptica, plein de choses, aussi bien que des bandes musicales telles que ce que fait Hans Zimmer, des choses comme ça. Et l'album Signals, qui est, c'est un concept album, comme c'est souvent le cas, un concept album dystopique. C'est vrai que dans ce style, il y a beaucoup de choses dans ce style. Alors ça se passe sur Terre en l'an 2300. La Terre est exsangue, il y a quasiment plus de ressources. Et en fait, les grandes puissances sont en train de se disputer une arme technologique qui s'appelle le plasma. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec le plasma sanguin, j'ai aucune idée là-dessus. Et en fait, ça nous raconte l'histoire de deux mercenaires qui partent dans une navette avec des scientifiques, des tas de gens différents à l'autre bout du cosmos, afin de trouver la vérité. Alors par contre, je peux pas vous en dire plus, parce que la version promo que j'ai reçue, il y avait aucun livret, rien du tout. Donc voilà, j'ai découvert ça un petit peu au hasard dans mes recherches. Merci Internet, Wikipédia et consorts. Et apparemment, il y a une version qui existe aussi en DVD, où tout l'album est un clip géant, ça peut être intéressant. Et ben ce soir, le morceau que je vous invite à découvrir s'appelle Gravity, et au chant figure la chanteuse Lina Victoria, qui, ça va peut-être vous dire quelque chose, officie également dans Sleeping Romance, qu'on vous a passé d'ailleurs plusieurs extraits depuis la sortie de cet album en début d'année. Same. Blitz. right down the center. Only fate and death will tear us apart. Lacrima et leur premier EP éponyme, c'était Nightmare from Inside, juste avant première nouveauté de la semaine, avec les Parisiens de Corvius et leur premier album concept Signals, c'était le morceau Gravity. Revenons à du métal plus, du power metal, pas symphonique, mais enfin quasiment progressif. Revenons donc à l'album Forward de Chrysaor, si vous voulez bien, et ce soir, découvrez le morceau By Your Side. vraiment de plein de bonnes choses sur l'album Forward de Chrysao, n'est-ce pas, ce By Your Side par exemple, en est la preuve. Est-ce que maintenant vous voudriez un petit peu de trash death? Ben moi j'ai envie d'écouter un peu de trash death, et pour ça ben, tiens, un petit extrait de The Orb, le dernier album de Gorod serait parfait. Gorod d'ailleurs qui a fait apparemment une belle sensation lors du Hellfest. Je pense que s'ils ont joué Walls of Chains, ça a dû le faire. We'll be right back. Voilà, on vous l'aura laissé jusqu'au dernier Larsen. Donc, c'était un extrait du dernier EP de, du premier EP de Alistair, qui s'appelle Nightmare, avec le morceau Liar. Alistair, qui d'ailleurs a fait sensation au Hellfest également. Juste avant, on ne les présente plus, Gorod, avec leur nouvel album The Orb, c'était Vals of Shades. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée. Là, je vais vous emmener faire un petit tour en Finlande. Avec le nouveau projet de Jesse Ekinen, donc qui a un curriculum vitae long comme le bras, puisqu'il est actuel ou ex-musicien de Ex-Vessel, Benighted in Sodom, The Aeon, King Satan et bien d'autres. Et pour son nouveau projet, il a décidé de faire un groupe entre Doom et Metal Gothic. Et pour ça, donc, il a créé ce groupe qui s'appelle The Abbey, qui a donc sorti son premier album, qui s'appelle World of Sins, sorti au mois de février, mais que je me suis procuré, là, il y a très peu de temps, donc c'est pour ça que je vous le présente en tant que nouveauté. Alors, musicalement, on n'est pas loin de Candlemass. Il y a des passages qui font penser même à Queen, Yes aussi. On peut même penser, à King Diamond aussi. C'est vrai que ce spleen nordique, s'explique aussi. Alors, le seul petit défaut que je ferais, c'est que je dirais de cet album, c'est que il a été voulu qu'il y ait une dualité vocale entre un chant masculin avec une voix plutôt grave et une chanteuse lyrique qui a une très belle voix. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez mise en avant, je trouve. Au fait, The Abbey, ça parle plutôt de Aleister Crowley plutôt que d'une abbaye religieuse. Hein. Voilà. Donc, pour vous cadrer un petit peu à quoi ressemble ce groupe. Eh bien, tout de suite, on va se faire Crystallion, un petit morceau assez épique. Which appeared for grace. bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez Electric Shock, Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, c'était la deuxième nouveauté de la soirée avec venue de Finlande, The Abbey et leur premier album World of Sin. C'était le morceau Crystallion. À ne pas écouter si vous avez le cafard ou des envies suicidaires. Hein. Ça, c'est clair, mais par contre, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'un petit peu de rock'n'roll maintenant, ça vous dirait? Bah, pourquoi pas revenir dans ces cas-là au Live in Rio de Hollywood Vampires, sorti là au début du mois de juin, c'est des DVD. Et sur ce live, qui ne contient quasiment que des reprises, il y a une superbe reprise du classique de Led Zeppelin, Wool Lotta Love, où Lizzie L de Hellstorm vient faire vraiment sensation sur ce morceau grandiose. Déjà, le morceau original est grandiose, mais cette reprise vaut aussi son petit pesant de cacahuète. Don't say Ça, c'est une chanteuse à voix, Bess Hart avec Broken and Ugly and Sick Classic, extrait de son album Live at Paradiso qui était sorti en 2005. Juste avant, beaucoup plus récent puisque sorti au mois de juin, les Hollywood Vampires, groupe composé donc d'Alice Cooper, Joe Perry et Johnny Depp. Et là, avec en guest Lydie L de Hellstorm qui reprenait de main de maître le classique de Led Zeppelin, One Lotta Love, sur leur CD-DVD Live in Rio. Allons faire un petit tour dans la Nièvre, retrouver les Tambours du Bronx, ce groupe de percus qui existe depuis maintenant près de bientôt 35 ans, qui nous a sorti un album de métal industriel qui s'appelle Evolution début juin. Et pour ça, il n'y a pas que des percus, ils se sont accoquinés entre autres avec Stéphane Buriez de Loud Blast, Renato Di Falco au chant de Drop Dead Chaos, Frankie Costanza et j'en passe, et des meilleurs. Et sur le morceau qui va suivre, eh bien, on va retrouver Andreas Kisser de Sepultura sur un morceau qui s'appelle donc Chaos. The light. Petit saut dans le temps, puisque nous étions à l'instant en 1994 avec l'unique album de Neil Bomb. Alors Neil Bomb, c'était un projet de Max Cavalera à l'époque au chant et à la guitare, ainsi que Alex Newton. J'ai un trou de mémoire. Enfin, de Fudge Tunnel. Alex Newport de Fudge Tunnel. Un projet donc de métal industriel qui avait sorti donc un unique album en 94, comme je disais, Point Blank, et qui a été suivi d'un album live sorti l'année d'après, de lors d'un leur très rare concert, et le groupe n'a plus rien refait depuis. Et je vous dis ça parce que ils sont ressortis ces deux albums dans un beau digipack qui s'appelle 1000% 8. J'ai cru d'ailleurs que c'était tout de suite que j'ai vu ça, un nouvel album. J'étais, ça y est, ils se sont rabobichés, ils ont refait un nouveau truc. Et non, en fait, c'est tout simplement une réédition. Donc, si vous avez envie de découvrir ce métal industriel qui maintenant est introuvable, eh bien, allez-y, comme ça, pour un prix modique, vous avez la complète. Juste avant Neil Bomb, plus actuel, les Tambours du Bronx avec leur album Evolution. C'était le morceau Chaos. Ouais, un morceau qui portait bien son titre. Poursuivons avec un écoute de cœur du moment, Revival des 70s, le dernier album de Rival Sons, Dark Fighter, qui est vraiment une belle réussite, comme l'était son prédécesseur Feral Roots. Et Rival Sons qui sera en concert, enfin il y a le temps pour le dire, au mois d'octobre, à l'Olympia, qui je pense d'ici là aura ressorti un nouvel album, puisque normalement Dark Fighter n'est que le premier volet. Allez, tout de suite, Nobody Wants to Die. Kiss a dead man. Sun coming on. the night. Ça fait du bien de réentendre ça. Oh, ça vous doit dire quelque chose à vos petites oreilles de rocker. Wolf Mother avec Joker and the Thief, extrait donc de leur premier album sorti en 2005 et qui avait vraiment fait un carton à l'époque. Et Wolf Mother, ils seront en concert jeudi soir au Trianon à Paris afin de promouvoir déjà leur sixième album, soit qui était sorti en 2021. Juste avant Wolf Mother, Rival Sons et leur tout nouvel album Dark Fighter, sorti donc début juin. Et c'était Nobody Wants to Die. Et eux, si vous voulez les voir en concert, il faudra attendre le mois d'octobre. Eh bien, on va continuer avec encore ce qui était un autre coup de cœur de l'émission ces dernières semaines. C'est l'album controversé de Avenged Sevenfold, Life is But a Dream. Album qui part vraiment dans tous les sens, assez iconoclaste. C'est clair que même dans les fans purs et durs, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû se demander qu'est-ce qui nous avait pondu là. Mais enfin, total respect, je dois dire que au moins voilà un groupe qui n'a pas eu peur de se faire plaisir, car après tout, c'est quand même le principal. Extrait donc de cet album qui s'appelle donc Life is But a Dream, inspiré du roman d'Albert Camus, L'étranger, Beautiful Morning. Beautiful Morning, c'est un extrait de Life is But a Dream, le dernier album de Avenged Sevenfold. On va se faire la troisième nouveauté de la soirée. Pour ça, je vais vous emmener faire un petit tour de la région, du côté de la région toulousaine. Découvrir le groupe Loud Anonymity, avec un point entre les deux. Alors, c'est un groupe qui existe depuis 2016. Ils ont déjà sorti un album et un en 2019 qui s'appelait Éponyme. Et un EP en 2020. Et là, ils viennent de nous ressortir donc leur deuxième EP, un nouveau qui s'appelle Nuance, avec un point entre chaque lettre, le 2 juin dernier. Donc, c'est un EP de 6 titres. Alors, musicalement, c'est un mélange de post-punk, de post-hardcore, de pop, de néo-metal. On y trouve des références, ça fait penser à Psycop, System of a Down, Arcane Root, plein de choses. En tout cas, c'est très très bien joué et je pense qu'ils ont leur carte à jouer dans ce petit monde. Donc, extrait de cet album, le morceau Violence, que je vous invite tout de suite à découvrir. Belphegor's avec un petit extrait de leur album Kill the Pain, c'était Do You Bring Your Mask, Max. Et juste avant, c'était la troisième et dernière nouveauté de la soirée avec le groupe toulousain Loud Anonymity. Extrait donc de leur EP Nuance, c'était le morceau Violence. Il est 20h31 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, Electric Shock attaque sa dernière demi-heure et va continuer maintenant avec du heavy metal classique. Et on va revenir à l'album Living Evil. Donc je vous rappelle que c'était un groupe qui a sévi dans les années 90 et qui avait sorti un unique album, mais bon, qui n'avait pas eu plus de succès que ça. Et du coup, les membres se sont un peu éparpillés un peu partout. Et en 2018, leur membre Patrick Perron, le guitariste, est décédé. Et son copain Jérôme, le bassiste, a décidé de ressortir. Il avait vu qu'il avait dans ses cartons des démos, des choses que le groupe n'avait jamais sorties, afin de rendre hommage donc à son pote. Donc extrait donc de cet album Prayers and Torment, le morceau qui s'appelle de ce soir, c'est A Song for a Dead Man. petit tour au Brésil. Et ouais, c'est ça l'avantage de la radio. Sans décuter de son fauteuil, on voyage dans le temps et l'espace. Où on a retrouvé des petits chouchous du début de l'année 2023. Rexor et leur album For Glory and Freedom. Et c'était le morceau Back Again. C'est vrai que c'est un bon bout de temps qu'on ne vous avait pas diffusé. Il faut dire que sur les 9 titres, il ne reste plus qu'un à diffuser. Donc... à suivre dans les prochaines semaines. Juste avant, dans le même esprit, Living Evil, pur heavy metal également, avec leur album Prayers and Torment, un album dédié donc à la mémoire d'un des anciens membres, c'était A Song for Dead Man. Passons maintenant un petit peu de trash avec l'album éponyme de Iceland, qui est ni plus ni moins qu'un réenregistrement de le premier album du groupe qui était sorti en 1995. Et maintenant que le groupe a décidé de se reformer il y a quelques années, plutôt que de composer du nouveau matériel, ils ont voulu remettre à disposition, avec les techniques actuelles, le premier album qui était carrément introuvable. Après tout, c'est une idée comme une autre. Donc, extrait de cet album éponyme, c'est Traces of Dream. We'll be right back. of Dream, voilà, c'était le groupe Iceland avec le réenregistrement de leur premier album, et ça s'était sorti au mois de mai 2023. Il nous reste encore, oui, une petite dizaine de minutes. Le temps passe très très vite quand on a de la bonne musique. On va continuer avec quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll. Bah tiens, on va revenir à l'album de Critical Paint, First of All. Et on va s'envoler où, puisqu'on va se Flying Away, qui va être le morceau de ce soir. did you get what I could ever hold? Bloodshed, dead or clone. All I need now is to get him down. Watch behind, or we find you whole, you deserve to die. Matrix, lead the game, innocence are crying. In my head, I dance, and you ran outside. I will get you with your arms, and you scream. Location here on the Vegas Strip, where he rained down that fire on a crowd of people. We spoke to people from that horrific shooting scene and got their tales of survival. Run, pray, watch behind. I will find you all, you deserve to die. Un petit moment qu'on n'avait pas diffusé, un petit peu Republic of Rock'n'Roll et leur dernier album Fragile, c'était donc le morceau Vegas Strip. Juste avant Republic of Rock'n'Roll, c'était Critical Pint et leur album First of All et le morceau Flying Away. Ben, il nous reste quelques minutes, on va se faire un dernier morceau et on va se dire au revoir. Un petit peu de punk rock avec le nouvel album, le premier album, je dis de nouvel, en même temps c'est leur premier, de Broken Bomb, Full Mental Racket que je vous ai présenté la semaine dernière. Et on va se foutre un, on va leur foutre un grand coup de pompe dans le cul avec Kick Them All. Voilà. Et après, on va se dire au revoir. No fear. Kick the Mold de Broken Bomb. Voilà, c'est avec ce petit brûlot que Electric Shock s'achève ce soir. Alors non, on se retrouvera pas la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'Electric Shock. Par contre, on se retrouve dans 15 jours. Rassurez-vous, vous aurez votre dose de métal. Mais restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 parce que non, ça continue. C'est le before. Ouais, c'est le petit gimmick que j'ai trouvé pour décrire ce qu'est Electro Live. Salut Christophe. Salut Christophe. Qu'est-ce que tu nous proposes pour le before de Electro Live ce soir alors? Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce soir, un set plutôt funky house. Voilà. Chose n'est pas coutume. Et ben voilà. La funky. Il en faut pour tout. Donc, je vous l'ai dit, pas d'Electric Shock la semaine prochaine, mais restez branchés, puisque Electro Live, c'est tout de suite maintenant en compagnie donc de Christophe. Je vous laisse en sa compagnie. Salut à tous, à dans 15 jours.